Voyageur célèbre du 10e au 13e siècle, troisième partie de La découverte de la Terre par Jules Verne. Pendant le 10e siècle et le commencement du 11e, un mouvement géographique assez considérable s'était produit dans le nord de l'Europe. Des Norvégiens et des Gallois audacieux s'étaient aventurés sur les mers septentrionales. Et si l'on en croit certains récits plus ou moins authentiques, ils avaient atteint la mer Blanche et visité les contrées possédées aujourd'hui par les Samoyèdes. Quelques documents prétendent même que le prince Madoc aurait exploré le continent américain. On peut affirmer toutefois que l'Irlande fut découverte vers 861 par des aventuriers scandinaves et que les Normands ne tardèrent pas à la coloniser. Vers cette époque, un Norvégien s'était réfugié sur une terre nouvelle, située à l'extrême ouest de l'Europe, et émerveillé par sa verdoyante apparence, il lui avait donné le nom de Terre Verte ou Groenland. Mais les communications avec cette portion du continent américain étaient difficiles, et paraîtrait-il, un vaisseau, au dire du géographe Cooley, employait 5 années pour aller de la Norvège au Groenland et revenir du Groenland en Norvège. Quelquefois cependant, dans des hivers rigoureux, l'océan septentrional se gelait dans toute son étendue, et un certain Olurgeit, conduit par une chèvre, put aller à pied de la Norvège au Groenland. Mais n'oublions pas que nous sommes encore dans les temps légendaires, et que ces régions hyperboréennes sont riches de traditions merveilleuses. Revenons aux faits réels, prouvés, incontestables, et racontons le voyage d'un juif espagnol dont la véracité est affirmée par les plus savants commentateurs. Ce juif était fils d'un rabbin de Tudèle, ville du royaume de Navarre, et il se nommait Benjamin de Tudèle. Il est probable que son but, en voyageant, fut de dénombrer ses coreligionnaires dispersés à la surface du globe. Mais quel que soit son motif, pendant 14 ans, de 1160 à 1173, il explora presque tout le monde connu, et sa relation forme un document détaillé, minutieux même, dont l'autorité fut grande jusqu'au XVIe siècle. Benjamin de Tudèle quitta Barcelone et par Tarragone, Gironde, Narbonne, Béziers, Montpellier, Lunel, Pousquet, Saint-Gilles et Arles, il arriva à Marseille. Après avoir visité les deux synagogues et les principaux juifs de cette ville, il s'embarqua pour Gênes, où son arrive arriva 4 jours après. Les Génois étaient alors les maîtres de la mer et faisaient la guerre aux Pisans, gens vaillants, qui de même que les Génois, dit le voyageur, n'ont ni roi ni prince, mais seulement des juges qu'ils établissent suivant leur bon plaisir. Après avoir visité Luc, Benjamin de Tudèle, en 6 jours, arriva à Rome la Grande. Alexandre III était pape alors, et suivant la relation, il comptait des juifs parmi ses ministres. Parmi les monuments de la ville éternelle, Benjamin de Tudèle cite plus spécialement Saint-Pierre et Saint-Jean de Latran. Mais ses descriptions sont singulièrement sèches. De Rome, par Capoue et Pouzzole, alors à demi inondé, il se rendit à Naples où il ne vit rien, si ce n'est les 500 juifs qui habitaient cette ville. Puis, traversant Salerne, Amalfi, Bénévent, Ascoli, Trani, Saint-Nicolas de Bari, Tarente et Brindes, il arriva à Otrante, sur le golfe de ce nom, ayant traversé l'Italie sans rien rapporter d'intéressant sur cette contrée si curieuse. Quelque ingrate que soit la nomenclature des villes, nous ne dirons pas visitée mais citée par Benjamin de Tudèle, nous ne devons pas en omettre une seule, car l'itinéraire du voyageur juif est précis, et il est utile de le suivre sur la carte que Lelevel a spécialement dressée pour lui. D'Otrante à Zeytoun, en Valachie, ses étapes sont Corfou, le golfe d'Arta, Achelous, ancienne ville de l'Étolie, Analolica en Grèce, sur le golfe de Patras, Patras, les Pentes, Chryssa, bâti au pied du Parnasse, Corinthe, Thèbes, dont les 2000 juifs sont les meilleurs ouvriers de la Grèce dans l'art de fabriquer la soie et la pourpre, puis Négrepont et Zeytoun. Là commence la Valachie, suivant le voyageur espagnol. Les Valaques courent comme des chevreuils et descendent des montagnes pour piller et voler dans les terres des Grecs. De ce point, par Gardiki, petite bourgade du golfe Volo, Armiros, port fréquenté par les Vénitiens, les Génois et les Pisans, Bicina, ville actuellement détruite, Saloniki, l'ancienne Thessalonique, Dimitrizi, Darma, Christopoli, Abydos, Benjamin de Tudèle arriva à Constantinople. Le voyageur donne ici quelques détails sur la grande capitale de toute la terre des Grecs. L'empereur Emmanuel Comnène régnait alors et habitait un palais qu'il avait bâti sur le bord de la mer. Là s'élevaient des colonnes d'or et d'argent pur, et ce trône d'or et de pierres précieuses, au-dessus duquel est pendue une couronne d'or par une chaîne d'or aussi, qui vient justement à la mesure du roi quand il est assis. Il y a, à cette couronne, des pierreries d'un si grand prix que personne ne peut l'estimer, et la nuit, on n'y a pas besoin de lumière, car chacun y voit assez à la faveur de l'éclat que jettent ces pierres précieuses. Le voyageur ajoute que la ville est fort peuplée, que les marchands y accourent de tous côtés, et que sous ce rapport, elle ne peut être comparée qu'à Bagdad. Ses habitants sont habillés de vêtements de soie, couverts de broderies et agrémentés de franges d'or. À les voir ainsi, montés sur leurs chevaux, on dirait que ce sont autant d'enfants de rois. Mais ils n'ont ni cœur ni courage pour faire la guerre, et ils entretiennent des mercenaires de toutes nations qui se battent pour eux. Un regret de Benjamin de Tudèle, c'est que les Juifs manquent à la ville et qu'on les a transportés au-delà de la tour de Galata, près de l'entrée du port. Seulement, aucun de ces Juifs opulents n'a le droit de monter à cheval, sauf un seul, l'Égyptien Salomon, qui est le médecin du roi. Quant au monument de Constantinople, Benjamin cite le temple de Sainte-Sophie, qui possède autant d'autels qu'il y a de jours dans l'année, et des colonnes, des chandeliers d'or et d'argent en si grand nombre qu'on ne peut les compter. Puis l'hippodrome, devenu aujourd'hui le marché aux chevaux, dans lequel, pour le plaisir du peuple, on fait battre ensemble des lions, des ours, des tigres, des oies sauvages, comme aussi des oiseaux. En quittant Constantinople, Benjamin de Tudèle visita l'ancienne Byzante, Gallipoli et Kilia, port de la côte orientale. Puis, s'embarquant, il parcourut les îles de l'archipel, Mytilène, Chio, qui fait le commerce du sucre de pistachier, Samos, Rhodes et Chypre. Faisant voile vers la terre d'Aram, il passa par Messis, par Antioche, dont il admira le service des eaux, et par Latakia, pour arriver à Tripoli récemment éprouvée par un tremblement de terre qui s'était fait sentir dans tout le pays d'Israël. De Tripoli, on le voit toucher à Beyrouth, à Sidon, à Tyr, célèbre pour sa pourpre et sa fabrication du verre, à Acre, à Caïfa, près du mont Carmel, dans lequel est creusée la grotte d'Élie, à Capharnaüm, à Césarée, très belle et bonne ville, à Cacon, à Samarie, bâtie au milieu d'une campagne entrecoupée de ruisseaux et riche en jardins, en vergers, en vignobles et en oliviers, à Naplouse, à Gabaon, et il arrive à Jérusalem. Dans la cité sainte, le juif espagnol ne pouvait rien voir de ce qu'un chrétien y eût vu sans doute. Pour lui, Jérusalem est une petite ville défendue par trois murailles et fort peuplée de jacobites, de syriens, de grecs, de géorgiens et de francs de toutes langues et nations. Elle possède deux hôpitaux, dont l'un est habité par 400 chevaliers toujours prêts pour la guerre, un grand temple qui est le tombeau de cet homme, qualification donnée à Jésus-Christ par le Talmud, et une maison dans laquelle les Juifs, moyennant une redevance, ont le privilège de faire de la teinture. D'ailleurs, les coreligionnaires de Benjamin de Tudèle ne sont pas nombreux à Jérusalem, 200 à peine, et ils demeurent sous la tour de David, dans un coin de la ville. En dehors de Jérusalem, le voyageur cite le tombeau d'Absalom, le sépulcre d'Ozias, la fontaine de Siloé, près du torrent de Cédron, la vallée de Josaphat, la montagne des Oliviers, du sommet de laquelle on aperçoit la mer de Sodome. À deux pharaons anges au bout de lieu se dresse l'indestructible statue de la femme de Lot, et le voyageur affirme que, quoique les troupeaux qui passent lèchent continuellement cette statue de sel, elle recroît néanmoins toujours et devient comme elle était auparavant. De Jérusalem, Benjamin de Tudèle, après avoir écrit son nom sur le tombeau de Rachel, suivant la coutume des Juifs qui passent en cet endroit, se rendit à Bethléem où il compta 12 teinturiers israélites, puis à Hébron, ville maintenant déserte et ruinée. Après avoir visité dans la plaine de Macphéla les tombeaux d'Abraham et de Sarah, d'Isaac et de Rebecca, de Jacob et de Lia, passant par Beit Jabrim, Silo, le mont Morija, Beit Nubi, Rama, Jaffa, Jabné, Azotos, Ascalon, bâti par Esdras le sacrificateur, Lude, Serein, Sufurier, Tibérias, où l'on trouve des bains chauds qui sortent du fond de la terre, par Guiche, par Meiroun, qui est encore un lieu de pèlerinage pour les Juifs, par Aïma, Cadiz, Bélinas, près de la caverne de laquelle s'échappe le Jourdain, le voyageur juif quitte enfin la terre d'Israël, arrive à Damas. Voici la description que Benjamin fait de cette ville où commence le pays de Noureddin, roi des Turcs. La ville est fort grande et fort belle, ceinte de murailles. Le terroir abonde en jardins et en vergers à 15 000 à la ronde. On ne voit point dans toute la terre de pays si fertile que celui-ci. La ville est située au pied du mont Hermon, d'où sortent les deux rivières d'Amana et de Farfar, dont la première passe par le milieu de la ville et dont les eaux sont conduites par des aqueducs dans les maisons des grands, aussi bien que dans les places et dans les marchés. Ce pays commerce avec tout le reste du monde. Le Farfar arrose de ses eaux les jardins et les vergers qui sont en dehors de la ville. les Ismaélites ont à Damas une mosquée appelée Gomon Damsek, c'est-à-dire synagogue de Damas. Il n'y a point de bâtiment semblable dans toute la terre. On dit que c'était autrefois un palais de Ben-Hadad. On y voit une muraille de verre construite par art magique. Il y a dans cette muraille autant de trous qu'il y a de jours dans l'année solaire. Le soleil descendant par 12 degrés, selon le nombre des heures du jour, entre chaque jour dans l'un de ces trous, et par là, chacun peut connaître à ces trous quelle heure il est. Au-dedans du palais, il y a des maisons bâties d'or et d'argent, grandes comme une cuve, qui peuvent contenir 3 personnes, si elles veulent s'y laver ou s'y baigner. Après Galad et Salca, situés à 2 journées de Damas, Benjamin de Tudèle arriva à Baalbek, l'héliopolis des Grecs et des Romains, bâti par Salomon dans la vallée du Liban, puis à Tadmor, qui est Palmyre, pareillement construite toute de grandes pierres, puis, passant par Cariatin, il s'arrête à Hama, en partie détruite par ce tremblement de terre qui, en 1157, renversa en même temps un grand nombre de villes de la Syrie. Suit, dans la relation, une aride nomenclature de villes dont il se borne tout au plus à donner les noms Alab, Bélès, Kaladjabar, Raqqa, Haran, la ville principale des Sabéens, Nisib, Djezirat, dont le nom turc est Kora, Mossoul, sur le Tigre, où commence la Perse, Ninive, point à partir duquel le voyageur retourne vers l'Euphrate, Rahaba, Karkésia, Juba, Abqara, et enfin Bagdad, résidence du calife. Bagdad plaît beaucoup aux voyageurs israélites. C'est une grande ville dont la circonférence est de 3000, où s'élèvent des hôpitaux pour les malades ordinaires et pour les juifs. Savants, philosophes habiles en toutes sortes de sciences et mages experts en toutes sortes d'enchantements y accourent de toutes parts. C'est la résidence et la capitale d'un calife qui, suivant certains annotateurs, doit être Mostaïjed, qui régnait sur la Perse occidentale et sur les bords du Tigre. Ce calife possédait un vaste palais au milieu d'un parc arrosé par un affluent du Tigre et peuplé de bêtes sauvages. Ce souverain, à certains égards, peut être proposé comme exemple à tous les potentats de la terre. C'est un homme de bien, amateur de la vérité, affable et civil envers tous ceux qu'il rencontre. Il ne vit que du travail de ses mains, et fabrique des couvertures marquées de son sceau qu'il fait vendre au marché par les princes de sa cour afin de subvenir aux frais de sa nourriture. Il ne sort qu'une fois l'an de son palais, à la fête du Ramadan, pour se rendre à la mosquée qui est à la porte de Bassora, et remplissant les fonctions d'imam, il explique la loi à son peuple. Puis rentre à son palais par un chemin différent, et la route qu'il est suivie est gardée toute l'année, afin qu'aucun passant ne profane la marque de ses pas. Tous les frères du calife habitent le même palais que lui. Chacun d'eux est traité avec beaucoup d'honneur, et ils possèdent sous leur commandement des villes et des bourgs dont les revenus leur permettent de passer une vie agréable. Seulement, comme ils se sont rebellés une fois contre leur souverain, ils sont tous enchaînés avec des chaînes de fer et ont des gardes devant leur maison. Après avoir noté ces particularités, Benjamin de Tudèle descendit cet angle de la Turquie d'Asie arrosé par le Tigre et l'Euphrate, passa par Jihagin, Babylone, ville ruinée, dont les rues s'étendent à 30 000 de circuit. Il vit, chemin faisant, la fournaise ardente où furent jetés Ananias, Misaël et Azarias, Illa et la tour de Babel, qu'il décrit en ces termes. Là est la tour qu'ont bâti les dispersés. Elle est faite de briques. La largeur de ses fondements est d'environ 2000. Sa largeur est de 240 coudées et sa hauteur de 100 cannes. De 10 en 10 coudées, il y a des chemins qui mènent à des degrés faits en coquilles de limaçon qui conduisent jusqu'en haut. De cette tour, on découvre l'espace de 20 000, car le pays est large et uni, mais le feu du ciel étant tombé sur la tour, l'a rasé et aplani jusqu'au fond. De Babel, le voyageur se rendit à la synagogue d'Ézéchiel qui est sur l'Euphrate, véritable sanctuaire vers lequel affluent les croyants pour lire le grand livre écrit de la main du prophète. Puis, ne faisant que passer par Algodzonat, à Ein Jafata, à Léphras, à Képhar, à Kufa, à Sura, jadis le siège d'une célèbre université juive, à Safjaïb, dont la synagogue est bâtie avec des pierres de Jérusalem, et traversant le désert de Yémen, il toucha à Théma, à Tilimas, à Shaïbar, qui comptait 50 000 Israélites, à Bazet, et entra enfin à Bassora, qui est sur le Tigre, presque à l'extrémité du golfe Persique. Sur cette ville importante et commerciale, le voyageur ne donne aucun détail, mais de là, il se rendit probablement à Karna, et visita le tombeau du prophète Esdras. Puis il entra en Perse, et il séjourna à Chuzestan, grande ville ruinée en partie, que le Tigre divise en 2 quartiers, l'un riche, l'autre pauvre, réunis par un pont sur lequel, par raison d'équité, est suspendu le cercueil de Daniel. Benjamin de Tudèle continua son voyage en Perse par Udbar, Olwan, Muluet, Amaria, où commencent les Médies. En cet endroit, raconte-t-il, apparut cet imposteur David Elroy, faiseur de faux miracles, qui n'est autre que le Jésus des Juifs. Puis par Hamadan, où s'élèvent les tombeaux de Mardoché et d'Esther, et par Dabrestan, il arriva à Ispahan, capitale du royaume, qui mesure 12 000 de circuit. Ici, la relation du voyageur devient un peu obscure. En suivant ses notes, on le retrouve à Shiraz, probablement dans le canton d'Herat en Afghanistan, puis à Samarcande, puis enfin au pied du Tibet. De ce point extrême atteint par lui dans le nord-est, il sera revenu à Nizapur et à Tchouzestan sur les bords du Tigre. De là, en 2 journées de mer, il serait descendu à El-Kachif, ville d'Arabie, située sur le golfe Persique, où l'on exploite des pêcheries de perles. Puis, en 7 jours de navigation, après avoir traversé la mer d'Oman, il aurait gagné Choulan, aujourd'hui Quilon, sur la côte de Malabar. Benjamin de Tudèle était enfin aux Indes, dans le royaume de ceux qui adorent le soleil, ces enfants de Kush, contemplateurs des astres. C'est le pays qui produit le poivre, la cannelle et le gingembre. D'un jour après avoir quitté Choulan, le juif voyageur arrivait aux îles Sinrag, c'est-à-dire à Ceylan, dont les habitants sont de fanatiques adorateurs du feu. De Ceylan, Benjamin de Tudèle est-il allé jusqu'à la Chine dont il parle? On ne saurait l'affirmer. Il regarde le trajet par mer comme fort dangereux. Grand nombre de vaisseaux périssent, et voici le moyen singulier que préconise notre voyageur pour se tirer du danger. On prend avec soi, dit-il, plusieurs peaux de bœuf. Si le vent vient à menacer le vaisseau, celui qui veut échapper se met dans une de ces peaux, coud cette peau en dedans de peur que l'on y pénètre, ensuite se jette dans la mer. Alors, quelqu'un de ces grands aigles, appelé Griffon, le voyant et croyant que c'est une bête, descend, le prend et l'emporte sur terre, sur quelque montagne ou vallée, pour dévorer sa proie. Alors l'homme enfermé tue promptement l'aigle avec son couteau. Ensuite, sortant de sa peau, il marche jusqu'à ce qu'il trouve quelque lieu habité. Plusieurs personnes ont été sauvées de cette manière. On retrouve de nouveau Benjamin de Tudèle à Ceylan, puis probablement à l'île de Socotora, à l'entrée du golfe Persique, et ensuite à Sébide. Traversant alors la mer Rouge, il arrive aux contrées de l'Abyssinie, qu'il appelle l'Inde qui est en terre ferme. De là, redescendant le cours du Nil, à travers la contrée d'Assouan, il arrive au bourg d'Olvan, et par le Sahara, où le vent engloutit les caravanes sous une couche de sable, il atteint Zabila, Kouz, Fayoum et Misraïm, c'est-à-dire le Caire. Misraïm, au dire du voyageur, est une grande ville ornée de places et de boutiques. Il n'y pleut jamais, mais le Nil, qui déborde tous les ans une fois, arrose le pays dans une étendue de 15 jours de chemin et lui communique une extrême fertilité. Benjamin de Tudèle, en quittant Misraïm, passa à Gizeh, sans remarquer ses pyramides, à Ain Shams, à Boutig, à Zifita, à Damira, et il s'arrêta à Alexandrie, bâtie par Alexandre le Grand. La ville, dit-il, est très commerçante, et on y vient de toutes les parties du monde. Ses places et ses rues sont très fréquentées et si longues qu'on n'en voit pas le bout. Une digue s'avance d'un mille en mer et supporte une haute tour élevée par le conquérant, et au sommet de laquelle était disposé un miroir de verre, d'où l'on pouvait voir à 50 journées d'éloignement tous les vaisseaux qui venaient de la Grèce ou de l'Occident pour faire la guerre ou pour nuire autrement à la ville. Cette tour de lumière, si l'on en croit le voyageur, sert encore jusqu'à présent de signal à tous ceux qui naviguent à Alexandrie, car on la découvre à 100 000 de là, jour et nuit, par le moyen d'un grand flambeau allumé, etc. Que seraient nos phares auprès de cette tour de lumière, eux qui ne portent pas plus de 30 000, même quand l'électricité leur fournit la lumière? Damiet, Sunbat, Ayla, Refidim, le bourg de Tor au pied du Sinaï, furent visités par le voyageur juif. Revenu à Damiet, il prit la mer et 20 jours après il débarqua à Messine. Voulant continuer le recensement de ses coreligionnaires, il remonta par Rome et Luc à la Maurienne, au Saint-Bernard, et il cite un grand nombre de villes de l'Allemagne et de la France où les Juifs se sont réfugiés. Ce qui, d'après le relevé fait par Chateaubriand sur l'itinéraire de Benjamin de Tudèle, porterait leur nombre à 768 565. Enfin, pour terminer, le voyageur parle de Paris, qu'il a visité sans doute, cette grande ville qui appartient au roi Louis et qui est située sur la rivière de la Seine. Elle renferme, dit-il, des disciples, des sages, qui n'ont pas leur pareil aujourd'hui sur toute la terre. Ils s'appliquent jour et nuit à l'étude de la loi. Ils sont fort hospitaliers envers tous les étrangers et démontrent leur amitié et leur fraternité envers tous leurs frères juifs. Tel est ce voyage de Benjamin de Tudel. Il forme un monument important de la science géographique au milieu du XIIe siècle et par l'emploi du nom actuel de chaque ville citée dans la relation, nous l'avons rendu facile à suivre sur les cartes modernes. Au nom de Benjamin de Tudel, l'ordre chronologique fait succéder celui de Jean du Plan de Carpin, que quelques auteurs appellent simplement Carpini. C'était un franciscain qui naquit vers 1182 dans un bourg du district de Pérouse en Italie. On sait les progrès que firent les hordes mongoles sous le commandement de l'ambitieux Gengis Khan. En 1206, ce chef habile avait fait de Karakorum, ancienne ville turque, située dans la Tartarie, au nord de la Chine, la capitale de son empire. Sous son successeur Ogadaï, la domination mongole s'étendit jusque dans la Chine centrale et ce souverain barbare, levant une armée de 600 000 hommes, envahit l'Europe. La Russie, la Géorgie, la Pologne, la Moravie, la Silésie, la Hongrie devinrent le théâtre de luttes sanglantes qui se dénouèrent au profit d'Ogadaï. On regardait ces Mongols comme des démons lâchés par quelque puissance infernale et l'Occident se vit sérieusement menacé par leur invasion. Le pape Innocent IV envoya par le Khan des Tartares une première ambassade qui n'obtint qu'une réponse arrogante et peu rassurante. En même temps, il dépêchait de nouveaux ambassadeurs vers les Tartares du Nord-Est afin d'arrêter l'irruption mongole. Il choisit pour chef de cette ambassade le franciscain Carpini, qui était considéré comme un diplomate intelligent et habile. Carpini, accompagné d'Étienne de Bohême, se mit en route le 6 avril 1245. Il se rendit d'abord en Bohême. Le roi de ce pays lui donna des lettres de créance pour des parents qu'il avait en Pologne et dont l'influence devait faciliter aux ambassadeurs leur entrée en Russie. Carpini et son compagnon arrivèrent sans difficulté jusque dans les états du duc de Russie, où, sur le conseil de ce duc, ils se procuraient des fourrures de castor et d'autres animaux afin d'en faire présent aux chefs tartares. Ainsi approvisionné, Carpini se dirigea vers le nord-est et atteignit Kiev, alors capitale de la Russie et maintenant chef-lieu du gouvernement de ce nom, mais non sans avoir eu toute la crainte des Lituaniens, ses ennemis de la croix, qui couraient alors la contrée. Le gouverneur de Kiev engagea les envoyés du pape à changer leurs chevaux pour des chevaux tartares, habitués à découvrir l'herbe sous la neige, et montés convenablement, les ambassadeurs atteignirent la ville de Danilon. Là, ils tombèrent dangereusement malades. Mais à peine guéris, ils achetèrent un chariot, et malgré le froid, ils reprirent leur route. Arrivés à Kaniev, sur le Dniepr, ils se trouvaient alors dans le premier village de l'Empire mongol. De ce point, un chef assez brutal, qu'il fallut adoucir par des présents, les fit conduire au campement des Tartares. Ces barbares, après les avoir reçus d'abord, les dirigèrent vers le duc Korenza, qui commandait une armée d'avant-garde de 60 000 hommes. Ce général, devant lequel ils durent s'agenouiller, les renvoya sous la conduite de 3 Tartares au prince Bati, qui était le chef le plus puissant après l'empereur. Des relais étaient préparés sur la route. Le voyage se fit à grande journée, nuit et jour, et toujours au grand trot. Le franciscain traversa ainsi le pays des Comans, compris entre le Dniepr, le Tanaïs, le Volga et le Djaek, remontant souvent les rivières glacées, et il arriva enfin à la cour du prince Bati, sur les frontières du pays des Comans. « Comme on nous menait vers ce prince, dit Carpini, on nous avertit qu'il nous fallait passer entre deux feux, afin que si, par hasard, nous avions quelque dessein mauvais contre leur maître et seigneur, ou si nous portions quelque venin, le feu put emporter tout cela, ce que nous accordâmes pour ce sujet-là, et pour ôter tout soupçon de nous. » Le prince trônait au milieu de sa cour et de ses officiers, dans une magnifique tente de fine toile de lin. Il avait la réputation d'un prince affable au sien, mais fort cruel dans ses guerres. Carpini et Étienne se placèrent à sa gauche. C'était le jour du Vendredi Saint. Les lettres papales, traduites en langue esclavone, arabique et tartare, furent présentées au prince. Celui-ci les lut attentivement et renvoya les envoyés du pape à leur tente, où on leur servit pour tout repas une petite écuelle de millet. Le lendemain, Bati fit appeler les deux ambassadeurs et leur ordonna de se rendre vers l'empereur. Ils partirent le jour de Pâques avec 2 guides. Mais, à se nourrir seulement de millet, d'eau et de sel, les malheureux voyageurs n'étaient pas très valides. Cependant, on les forçait d'aller très vite et ils changeaient de chevaux 5 ou 6 fois par jour. Ce pays de Comanie, qu'ils traversaient, était presque désert, ses habitants ayant été pour la plupart exterminés par les Tartares. Les voyageurs entrèrent sur le pays des Kangites, à l'est de la Comanie, où l'eau manque en beaucoup d'endroits. Dans cette province, les rares tribus s'occupaient seulement d'élever des bestiaux et subissaient la dure servitude des Mongols. Il fallut à Carpigny tout le temps compris entre l'octave de Pâques et l'Ascension pour franchir ce pays des Khangites, et il pénètre alors dans la contrée des Bizermains, c'est-à-dire des musulmans, qui correspond au Turkestan moderne. De tous côtés, ce n'était que villes, villages et châteaux en ruine. Après avoir cheminé à travers cette région montagneuse depuis l'Ascension jusqu'à l'octave de Saint-Jean, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet, les envoyés du pape entrèrent dans le Kara Kitai. Le gouverneur de ces provinces les reçut bien, et pour leur faire honneur, il fit danser devant eux ses deux fils avec les principaux personnages de sa cour. En quittant le Kara Kitai, les voyageurs chevauchèrent pendant plusieurs jours le long d'un lac situé au nord de la ville de Yéman, qui doit être, suivant M. de Rémusa, le lac Kézilbash. Là habitait Ordu, le plus ancien capitaine des Tartares. Carpigny et Étienne se reposèrent un jour entier dans cet endroit où on ne leur ménagea pas l'hospitalité. Puis ils repartirent à travers le pays montagneux et froid des Naïmans, peuple nomade qui vivait sous la tente, et après quelques jours de marche, ils franchirent le pays des Mongols, ce qui leur prit 3 semaines, malgré la rapidité de leur marche. Enfin, le jour de la Madeleine, c'est-à-dire le 22 juillet, ils arrivaient au lieu où se trouvait l'empereur, ou plutôt celui que l'élection allait faire empereur, car il n'était pas encore élu. Ce futur souverain se nommait Quiné. Il fit défrayer généreusement les envoyés du pape, mais il ne put les recevoir, n'étant pas empereur et ne se mêlant aucunement d'affaires. Cependant, une lettre du prince Bati lui avait fait connaître les raisons qui avaient déterminé le pape Innocent IV à lui envoyer des ambassadeurs. Depuis la mort d'Ogadaï, la régence de l'Empire mongol avait été confiée à l'impératrice sa veuve, mère du prince Quiné. Ce fut cette princesse qui reçut le franciscain et son compagnon en audience solennelle, dans une tente de pourpre blanche qui pouvait contenir 2000 personnes. « Étant donc là, dit Carpigny, nous vîmes une grande assemblée de ducs et princes qui étaient venus de tous côtés avec leurs gens, et chacun était à cheval aux environs, par les campagnes et les collines. Le premier jour, ils se vêtirent tous de pourpre blanche, au second de rouge, et ce fut alors que Quiné vint en cette tente. Le troisième jour, ils s'habillèrent de pourpre violette, et le quatrième de très fin écarlate ou cramoisi. En cette palissade, proche de la tente, il y avait 2 grandes portes, par l'une desquelles devait entrer l'empereur seulement. Il n'y avait point de garde, encore qu'elle demeurât tout ouverte, d'autant que personne, entrant ou sortant, n'osait passer par là, mais on entrait par l'autre, où il y avait des gardes portant épées, arcs et flèches, de sorte que si quelqu'un s'approchait de la tente au-delà des bornes qui avaient été posées, si on pouvait l'attraper, il était battu, sinon on le tirait à coups de flèche. Il y avait là plusieurs seigneurs qui, au harnais de leurs chevaux, portaient, à notre jugement, plus de 20 marcs d'argent. Cependant, un mois tout entier se passa avant que Quiné fût proclamé empereur, et les envoyés du pape durent attendre son élection afin de pouvoir être reçus par lui. Carpigny, mettant à profit ses loisirs, étudia les mœurs de ces hordes si curieuses. On trouve dans sa relation des détails intéressants à ce sujet. Le pays lui parut généralement montagneux, mais presque partout sablonneux, avec un peu de terre grasse. Le bois manque presque absolument. Aussi empereur et prince ne se chauffent-ils qu'en brûlant de la fiente d'animaux. Quoique la contrée soit stérile, les troupeaux s'y élèvent aisément. Le climat est inégal. En été, les orages sont fréquents et la foudre fait de nombreuses victimes. Le vent est si violent qu'il renverse souvent les cavaliers. En hiver, pas de pluie, mais en été seulement, et encore à peine de quoi humecter la poussière. Les grêles sont terribles, et pendant le séjour de Carpigny, ce phénomène se produisit avec une telle intensité que 140 personnes furent submergées quand les grelons se fondirent en eau. En somme, pays étendu, mais plus pauvre et plus misérable qu'on ne saurait dire. Carpigny fait aussi des Tartares un portrait très exact, et qui dénote chez lui de remarquables qualités d'observateur. Ils ont, dit-il, une grande largeur entre les yeux et les joues s'élèvent fort en dehors. Leur nez est plat et petit, leurs yeux sont aussi petits et leurs paupières s'élèvent jusqu'à leurs sourcils. Ils sont fort grêles et menus de ceinture, pour la plupart de stature médiocre, avec peu de barbe. Quelques-uns, toutefois, ont quelques poils à la lèvre supérieure et au menton, qu'ils laissent croître sans jamais les couper. Au sommet de la tête, ils ont des couronnes comme nos prêtres, et depuis une oreille jusqu'à l'autre, ils se rasent tous à la largeur de 3 doigts. Et pour les cheveux qui sont entre leur couronne et leur rasure, ils les laissent croître jusque sur les sourcils. Et de part et d'autre du front, ils ont leurs cheveux à demi coupés. Et du reste, ils les laissent croître aussi longs que les femmes, et de cela ils font de cordons qu'ils lient et nouent derrière de l'oreille. Ils ont les pieds assez petits. Les hommes et les femmes, très difficiles à distinguer les uns des autres, car leur habillement ne diffère pas, sont vêtus de tuniques fourrées, fendues depuis le haut jusqu'en bas, et ils portent de longs bonnets de bougran ou de pourpre qui vont en s'élargissant par le haut. Ils habitent des maisons en forme de tentes, faites de verges et de bâtons, qui peuvent se démonter et être facilement chargées sur des bêtes de somme. D'autres, plus grandes, se transportent toutes construites sur des chariots et suivent leurs propriétaires à travers le pays. Les Tartares croient à un dieu créateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, qui récompense ou punit suivant les mérites. Mais ils adorent aussi le soleil, la lune, le feu, la terre, l'eau, et se prosternent devant des idoles de feutre faites à la ressemblance des hommes. Ils sont assez peu tolérants, et ils ont martyrisé Michel de Tchernigov et Féodore, que l'Église grecque a mis au rang des saints, et qui refusèrent au prince bâti de se courber vers le midi comme le font tous les Tartares. Ces peuplades sont superstitieuses. Elles croient aux enchantements et aux sorcelleries. Elles admettent que le feu purifie tout. Quand un de leur seigneur est mort, on l'enterre avec une table, un bassin plein de chair, une tasse de lait de jument, une jument et son poulain, un cheval scellé et bridé. Les Tartares sont très obéissants à leur chef. Ils évitent le mensonge entre eux. Ils fuient les discussions. Les meurtres et bois de fête sont rares. Peu de vols se commettent. Les objets précieux ne sont jamais renfermés. Ces jours-là supportent sans se plaindre le jeûne et la fatigue, le chaud et le froid, jouant, chantant et dansant à toute occasion. Mais ils sont sujets à l'ivrognerie. Leur principal défaut est d'être orgueilleux et méprisant avec les étrangers, et ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Pour achever de les peindre, Carpini ajoute que ces barbares mangent toutes sortes de viandes, chiens, loups, renards, chevaux et même, à l'occasion, chair humaine. Leur boisson consiste en lait de jument, de brebis, de chèvres, de vaches et de chameaux. Ils ne connaissent ni le vin, ni la cervoise, ni l'hydromel, mais seulement des liqueurs enivrantes. D'ailleurs, ils sont très sales, ne dédaignant ni les rats, ni les souris, ni la vermine, faute d'autres comestibles, ne lavant jamais leurs écuelles, ou les lavant avec le potage même, ne nettoyant jamais leurs vêtements, ni ne permettant jamais qu'on le fasse, surtout quand ils tonnent. Les hommes ne s'astreignent à aucun travail. Chasser, tirer de l'arc, veiller sur les troupeaux, monter à cheval, voilà toute leur occupation. Les filles et les femmes ne dédaignent pas ces exercices. Elles sont très adroites et très audacieuses. En outre, elles fabriquent les fourrures et les habillements, conduisent les chariots et les chameaux et suffisent d'autant mieux à ces divers travaux qu'elles sont nombreuses dans les familles et que ces barbares polygames achètent et très cher autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir. Tel est le résumé des observations faites par Carpini pendant le mois qu'il passa à Sierra Horda, en attendant l'élection de l'empereur. Bientôt, certains symptômes marquèrent que cette élection était prochaine. En effet, on chantait devant Cuné quand il sortait de sa tente, on lui faisait la révérence avec de belles baguettes ayant au bout une touffe de laine écarlate. À 4 lieues de Sierra Horda, dans une plaine, le long d'un ruisseau, on avait préparé une tente destinée au couronnement, toute tapissée d'écarlate au-dedans et appuyée sur des colonnes incrustées de lames d'or. Enfin, à la Saint-Barthélemy, une grande assemblée se réunit et chacun, priant incessamment, demeura la face tournée vers le midi, prosternation idolâtre, à laquelle le franciscain et son compagnon refusèrent de se joindre. Puis, Cuinet fut placé sous le siège impérial, et les ducs et le peuple fléchirent le genou devant lui. Il était sacré. Aussitôt Carpini et Étienne furent mandés devant le nouvel empereur. On les fouilla d'abord, puis ils entrèrent dans la tente impériale en même temps que d'autres ambassadeurs porteurs de riches présents. Quant à eux, pauvres envoyés du pape, ils n'avaient plus rien à offrir. Leur réception s'en ressentit-elle? Nous ne savons, mais Carpini et Étienne furent longtemps avant de pouvoir entretenir sa majesté tartare des affaires qui les avaient amenés vers lui. Les jours s'écoulaient, les envoyés étaient fort maltraités, et ils mouraient littéralement de faim et de soif, quand, vers la Saint-Martin, l'intendant et les secrétaires de l'empereur les firent mander devant eux, et ils leur remirent pour le pape des lettres finissant par ces mots superbes, qui sont comme la formule finale des souverains asiatiques. Nous adorons Dieu, et avec son aide, nous détruirons la terre entière, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Vers la Saint-Brice, les ambassadeurs partirent, et pendant tout l'hiver, ils cheminèrent à travers les déserts glacés. À l'Ascension, ils arrivaient à la cour du prince Bati, qui leur donna des passeports, et ils ne rentraient à Kiev que 15 jours avant la Saint-Jean de l'année 1247. Le 9 octobre, le pape nommait Carpini archevêque d'Antivari en Dalmatie, et ce voyageur célèbre mourut à Rome vers 1251. La mission de Carpini ne produisit en somme aucun résultat, et les Tartares restèrent ce qu'ils étaient, des hordes féroces et sauvages. Cependant, 6 ans après le retour du franciscain, un autre moine mineur, nommé Guillaume de Rubruquis, belge d'origine, fut envoyé vers ces barbares qui habitaient le territoire situé entre le Don et le Volga. Voici quel était l'objet de la mission. À cette époque, Saint-Louis faisait la guerre aux Sarrasins de Syrie, et tandis qu'il harcelait les infidèles, un prince mongol, Erkaltaï, les attaquait du côté de la Perse, faisant une utile diversion en faveur du roi de France. Le bruit courait que ce prince s'était converti au christianisme. Saint-Louis, désirant s'assurer du fait, chargea le moine Rubruquis d'observer Erkaltaï dans son pays même. Au mois de juin 1253, Rubruquis et ses compagnons s'embarquèrent pour Constantinople, et de là ils atteignirent l'embouchure du Don, sur la mer d'Azov, où se trouvait un grand nombre de Goths, descendants des tribus germaniques. Arrivés chez les Tartares, les envoyés du roi de France furent d'abord assez maltraités, mais, sous la présentation de leurs lettres, le gouverneur Zagatal, parent du Khan, leur fournit des chariots, des chevaux et des bœufs pour le voyage. Ils partirent donc, et le lendemain ils rencontrèrent tout d'abord un village ambulant. C'étaient des chariots chargés de maisons appartenant au gouverneur. Pendant 10 jours, les voyageurs demeurèrent dans cette tribu qui ne se distingua pas par sa générosité, et sans leur provision de biscuits, Rubruquis et ses compagnons furent sans doute morts de faim. Parvenus à l'extrémité de la mer d'Azov, ils se dirigèrent vers l'est en longeant un désert aride, sans un arbre, sans une pierre. C'était le pays des Comans, déjà traversé plus au nord par Carpini. Rubruquis, laissant au sud les montagnes habitées par les peuplades circassiennes, arriva, après un fatigant voyage de 2 mois, au camp du prince Artache, établi sur les rives du Volga. Là était la cour du prince, fils de Batou Khan. Il avait 6 femmes, chacune d'elles possédait un palais, des maisons et 200 chariots, dont quelques-uns, larges de 20 pieds, étaient traînés par un attelage de 22 bœufs disposés sur 2 rangs de 11 chacun. Sartache reçut les envoyés du roi de France avec beaucoup d'affabilité, et, les voyant pauvres, il leur fournit tout ce dont ils avaient besoin. Mais Rubruquis et ses compagnons durent se présenter devant le prince revêtus de leurs habits sacerdotaux, puis, posant sur un coussin une magnifique Bible donnée par le roi de France, un psautier, présent de la reine, un missel, un crucifix et un encensoir, ils entrèrent chez le prince en se gardant bien de toucher le seuil de la porte, ce qui eût été un acte inexcusable de profanation. Une fois en présence de Sartache, ses pieux ambassadeurs entonnèrent le Salve Regina. Le prince et une des princesses qui l'assistaient dans cette cérémonie examinèrent attentivement les ornements des religieux et leur permirent de se retirer. Quant à la question de savoir si Sartache était chrétien, Rubruquis ne put la traiter. Cependant, la mission des envoyés du roi Saint-Louis n'était pas terminée. Aussi le prince les engagea fort à se rendre à la cour de son père. Rubruquis obéit, et à travers les tribus mahométanes qui se partageaient la contrée entre le Don et le Volga, il arriva au camp du roi, situé sur le bord du fleuve. Là, même cérémonie qu'à la cour du prince Sartache. Les religieux durent revêtir leurs ornements d'église et se présentèrent ainsi devant le Khan, qui occupait un siège doré, large comme un lit. Mais Batu ne crut pas devoir traiter lui-même avec les ambassadeurs du roi de France et les envoya à Karakorum, à la cour de Mango Khan. Rubruquis franchit le pays des Bashkirs, visita Kenchat, Talash, passa l'Axiart et atteignit Ekius, ville dont les commentateurs n'ont pas su reconnaître la position, puis la terre d'Organum où se voit le lac de Balkash, et par le territoire des Ouïghours il arriva à Karakorum, la capitale devant laquelle s'était arrêté Carpini sans y entrer. Cette ville, suivant Rubruquis, était ceinte de murailles de terre percées de 4 portes. 2 mosquées et une église chrétienne en formaient les principaux monuments. Le moine recueillit dans cette cité quelques renseignements sur les peuplades environnantes, principalement sur les tangours, dont les bœufs, de race remarquable, ne sont autres que ces yaks renommés dans le Tibet, et il parle de ces Tibétains, dont la plus étrange coutume est de manger les cadavres de leurs pères et mères afin de leur procurer une sépulture honorable. Cependant, le grand Khan n'était pas alors dans sa capitale de Karakorum. Rubruquis et ses compagnons durent aller à sa résidence, située au-delà des montagnes qui s'élèvent dans la partie septentrionale de la contrée. Le lendemain de leur arrivée, ils se rendirent à la cour, pieds nus, suivant la règle franciscaine, ce qui leur valut d'avoir les orteils gelés. Introduits devant Mango Khan, ils virent un homme au nez camard et de taille moyenne, couché sur un lit de repos et vêtu d'une fourrure brillante tachetée comme la peau d'un veau marin. Ce roi était entouré de faucons et autres oiseaux, plusieurs sortes de liqueurs, un punch d'arak, du lait de jument fermenté, du bail, sorte d'hydromel, furent offertes aux envoyés du roi de France. Ceux-ci s'abstinrent d'en boire, mais le khan, moins sobre qu'eux, ne tarda pas à perdre la raison sous l'influence de ces boissons capiteuses, et l'audience dut être levée sans que la mission des ambassadeurs eût été remplie. Rumrukis passa plusieurs jours à la cour de Mangu Khan. Il y trouva un grand nombre de prisonniers allemands et français, principalement employés à la fabrication des armes et à l'exploitation des mines de Bokol. Ces prisonniers, bien traités par les Tartares, ne se plaignaient point de leur situation. Après plusieurs audiences que lui donna le grand khan, Rumrukis obtint la permission de partir et il revint à Karakorum. Près de cette ville s'élevait un magnifique palais appartenant au khan. Il ressemblait à une vaste église avec nef et double bas-côté. C'est là que le souverain siège sur une estrade élevée à l'extrémité septentrionale. Les hommes s'assoient à sa droite et les femmes à sa gauche. C'est aussi dans ce palais que deux fois l'an on célèbre de splendides fêtes quand tous les seigneurs du pays sont réunis autour de leur souverain. Pendant qu'il séjournait à Karakorum, Rumrukis recueillit des documents intéressants sur les Chinois, leurs mœurs, leur écriture, etc. Puis, quittant la capitale des Mongols, il reprit le chemin qu'il avait déjà parcouru. Mais, arrivé à Astrakhan, à l'embouchure du grand fleuve, il descendit au sud, entra en Syrie et sous la garde d'une escorte de Tartares, nécessitée par la présence de tribus pillardes, il arriva à Derbande, aux portes de fer. De ce point, par Nakhchivan, Erzeroum, Sivas, Césarée, Ikoniouni, il atteignit le port de Kursh et s'y embarqua pour retourner dans sa patrie. Son voyage, on le voit, se rapproche beaucoup de celui de Carpini, mais la relation en est moins intéressante et le moine belge ne paraît pas avoir été doué de l'esprit d'observation qui caractérise le franciscain italien. Avec Carpini et Rumrukis se termine la liste des explorateurs qui se rendirent célèbres dans le XIIIe siècle, mais leur renommée allait être dépassée, et de beaucoup, par celle du Vénitien Marco Polo, le plus illustre voyageur de toute cette époque. Ainsi s'achève Voyageurs célèbres du Xe au XIIIe siècle, troisième partie de La découverte de la Terre par Jules Verne.